7C. Madame Sordi parle italien et anglais ? Non, elle parle italien et un peu français. Ah, d'accord. Et elle fait quoi dans la vie, tu sais ? Elle est médecin. Elle travaille dans un hôpital à Rome, je crois. Ah, ok. Et son mari ? Il est professeur d'italien pour étrangers à l'université. Madame Le Pont et Madame Soulet sont mère et fille, n'est-ce pas ? Oui, c'est la deuxième fois qu'elles font la croisière avec nous. Elles adorent la mer. Oui, et il paraît qu'elles sont skippers toutes les deux. Comme Monsieur Lafont ? Exactement, nous avons trois skippers. Paul Duval est tout seul ? Non, il est venu avec Isabel Gomez. Ah oui ? Ils sont fiancés ? Je ne sais pas. Ils sont peut-être seulement amis, mais ils sont venus ensemble. Ah bon ?